Salut, moi c'est Stéphane, Stéphane, comme le prénom. Les gens disent souvent que j'ai tendance à me répéter, et c'est vrai, j'ai souvent tendance à me répéter. Bah du coup j'entends souvent, Stéphane, ça serait bien que tu changes de disque, parce que c'est usant. Alors quand j'ai vu que chez Citroën, jusqu'à 50 euros étaient offerts sur les forfaits freinage, je me suis dit, chouette alors, je vais pouvoir changer de disque. Bah du coup, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 30 avril 2018 pour l'achat d'une prestation de freinage dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 3 avril de quelle année ? De l'année 1711, Jean-Raphaël, le jour de la découverte de l'île de Clipperton par les Français. On est à 1300 km au large du Mexique, côté ouest bien sûr. L'île est encore aujourd'hui une possession française, une petite possession à sa superficie, c'est 1,7 km. C'est un atoll. Une bande de terre circulaire, pas vraiment de quoi bâtir de grandes cités coloniales. D'ailleurs, personne ne s'y risquerait. Le sol n'est que sable corallien consolidé par du guano. C'est pas compliqué. Clipperton est le plus petit territoire français du Pacifique. Mais dites-moi, comment a-t-elle été découverte ? Par hasard, Michel Dubocage et Mathieu Martin de Chassiron, qui commandaient respectivement les frégates La Découverte et La Princesse, étaient en train d'explorer la côte ouest du continent américain. Et en mettant le cap sur la Chine, ils tombent sur cet îlot qui est inhabité, ça va de soi. Ce jour-là est un vendredi saint, et voilà pourquoi l'île est d'abord nommée l'île de la Passion. Et alors pourquoi l'appelle-t-on Clipperton ? Eh bien, pour tout vous dire, on n'en sait rien. C'est le nom d'un naturaliste et flibustier anglais qui avait débarqué sur l'île un petit peu avant en 1704, mais on ignore pourquoi. C'est ce nom qui est resté. L'île est bien française, en tout cas, même si elle a ce nom anglais. Les Mexicains ont tenté de nous la ravir en l'occupant brièvement à la fin du 19e siècle. L'idée, c'était d'exploiter le guano à l'époque. Pour nous, aussi petite soit-elle, cette île revêt un intérêt stratégique de position et elle confère à la France une zone de pêche de 200 000 autour de Clipperton, ce qui fait un très grand territoire sous-marin. Dites-moi, il y a un représentant de la France ? Non, mais une fois par an, la Marine nationale débarque quelques heures pour renouveler le drapeau tricolore. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Pour une heure entière, sur l'Iran ou mieux, sur la Perse éternelle.